ce mercredi à Assemblage Rocky. On reçoit Simon Fitzbay avec sa chronique Paul is Dead. Et on parle du nouvel album des Vulgaires Machins avec le chanteur du groupe Guillaume Beauregard. Assemblage Rocky, aujourd'hui, 15h.